puis le 3 mai 2025. Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000. C'est plus d'humains que dans ta ville, hein. C'est plus d'humains que dans ta ville. Dehors c'est l'asile. Mazelé, j'ai pas mal au bide. J'arrive en fer allemand avec sa bouffe. Journée classique de bar sur le bay. Y'a beaucoup de bâtards que j'ai rencontrés qui voulaient juste rentrer dans mon bis. La fosse et les gradins complets. Cheveux rouges sous la cagoule complice. On produit la tournée, c'est nickel. On passe par le public comme à l'idée. La porte du bâtiment à Lyon 2. Ils vont se rappeler de WAM pendant longtemps. J'ai repeint le SVR en grimace. C'est Black Bottle, c'est pas Grégousse. Discute pas avec la seule grosse, c'est des ouf. Discute pas avec la seule grosse, c'est des ouf. Voyou du sud de l'Essonne jusqu'à la plaine Saint-Denis. Un yacht à Saint-Barthélemy, yacht et Léma. On va fêter, disparaît juste après comme un fantôme. J'ai l'impression que les stories sont réglées. Dans la rue, dans le bitume, on est réglo. C'est pas question d'ego, mais on reste ferme sur les négos. Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000, si Dieu le veut. Annonce la date, j'suis déjà là-bas, babax. Juste avant la fin de transmission, j'suis trop en pétard. Y'a que les plus têtus qui s'égarent. Le cardio, la mentale, le boulot. On a fait ce qu'il fallait, j'pense. On s'attrape là-haut. En vrai.